بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 29 29e leçon toujours dans le sujet des djinns. قال هل من الجن في السؤال 60 بعد المئة 160e question هل من الجن رسل est-ce qu'il y a des messagers parmi les djinns نقول لا ولكن منهم نذر on dit qu'il n'y a pas de messagers d'Allah Azza wa Jal parmi eux, mais des avertisseurs. Des avertisseurs. Wa dalil qawluhu ta'ala wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun. Que Allah Azza wa Jal, nous avons envoyé Nuh et Ibrahim et nous avons mis de leur descendance la prophétie ainsi que le livre. Parmi eux, des gens sont bien guidés et beaucoup d'entre eux sont des pervers. C'est-à-dire de leur descendance. Al-Hadid. Le fait à verset 26. Et d'autres Adilla. Et d'autres ulama voient sur d'autres versets, comme Akhara Ta'ala, Filma'ana, je me rappelle du verset, Ya Marshal al-Jin wal-Ins, Alam ya'tikum rusulun minkum, au fil d'El Ma'ana, à peu près, le verset, je ne me rappelle pas bien, où lorsque Allah, dans le sens, il dit, oh vous, les hommes et les djinns, ne vous est-il pas parvenu des messagers entre vous? Ça veut dire, entre vous, et le verset laisse entendre que parmi les djinns, il y a des messagers. Et des ulama voient que cela est possible. Mais le rôle le plus fort, c'est l'autre. Car ce verset-là n'est pas clair dans le fait que les messagers veut dire par là envoyés d'Allah directement. Et également, on peut interpréter comme minkum, c'est-à-dire vous les mukallafoun, ceux sur qui les charges de la religion sont imposées. Ce qui n'empêche pas que ce soit un homme qui soit venu. Et d'ailleurs, les djinns sont, aujourd'hui, font partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Ummah al-Da'wa, de ceux qui doivent recevoir l'appel. Et ceux qui l'ont accepté, hum min Ummah al-Stijaba, ceux qui ont répondu sont des musulmans, des suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ils ont entendu le Coran. Ils ont entendu le Coran. Non, donc le plus apparent, le plus... Le cours le plus prépondérant, c'est que les djinns, il n'y a pas parmi eux de messagers ou des prophètes, mais des avertisseurs, qui entendent des prophètes et après qui viennent avertir leur peuple et les leurs. Quand Allah fit sawal al-wahid wa sittin ba'd al-mi'a, 161e question. Elle, al-shaytan adun lada. Est-ce que shaytan est un ennemi pour nous? Quand Allah ta'ala, na'am, wa dalil qawluhu ta'ala, inna shaytan lakum adun, fattakhizuhu aduwa. Que Allah, il a dit, dans le sens, que certes, Shaitan est pour vous un ennemi. Alors prenez-le comme ennemi. Fatir, verset 6. Ça, c'est une chose qui est claire. Shaitan est notre ennemi déclaré. Notre plus grand danger sur nous-mêmes n'est pas Shaitan. Ce sont nos propres péchés. Nos propres péchés sont ce qu'il y a de plus dangereux sur nous. Et Shaitan a sa part, car lui nous incite à commettre ces péchés-là. Mais celui qui fait le péché, c'est qui? C'est toi? C'est Shaitan, c'est toi qui accepte de le suivre. Qu'ayom al-Qiyama, il se désavouera de toi et dira je ne t'ai pas forcé à faire la chose. Comme Allah Ta'ala, je vous ai juste appelé, vous m'avez répondu. Sans quoi Shaitan ne force personne à faire quoi que ce soit, ni ne le menace, ni ne fait de mal directement sur la personne pour qu'elle fasse des péchés. Ça revient qu'à nous-mêmes. On rendra des comptes Yom al-Qiyama par rapport à cela. Et on l'explique dans le douze précédent, pour que Shaitan ait moins d'emprise sur nous par justement ses insufflations. Et cet appel, cela revient à ce que Allah nous préserve. Et être sincère, comme on l'a expliqué, la sincérité. Et les dua que l'on fait. Tout cela. Quand Allah fit su'al, al-thani wa sittin ba'd al-mi'a. 162e question. Ma huwa al-hadaf al-kabir al-lazi yas'a al-shaytan li-tahqiqi. Quel est l'objectif principal pour lequel s'efforce Shaitan, ou qui s'efforce à réaliser, à concrétiser. Qala hadafuhu an yulqiya al-insan fi an-nar jahannam. Son principal but est de nous faire tomber en enfer, que l'on soit avec lui, car lui sait que il est voué à cela et veut prendre le plus de gens possible avec lui. Wa dalilu qawluhu ta'ala innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Qui ne fait que appeler son parti, il y a son groupe, ces gens, pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Fatir, créateur, verset 6. Donc ça, le but principal de Shaitan, c'est t'égarer au plus possible. Et s'il ne peut ne faire de toi un mécréant, il fera en sorte de faire de toi un innovateur ou un égaré. Et même si tu es un homme pieux, il fera en sorte que tu fasses le plus de mal possible. Et ainsi de suite. Toujours pour t'emmener vers ce qui rapproche le plus vers un mal. Autant qu'il peut. Quitte même des fois à te faire délaisser une chose bonne pour une chose moins bien. Même cela, s'il peut le faire, il le fera. Ce ne sera pas haram sur toi, mais il t'aura empêché de prendre un khayr plus grand pour toi. Tout ce qui peut te tirer en arrière, il te tirera en arrière. Wallah azabillah. Quand Allah fit Su'el, Thalis wa Sittin Badel Mia. 163e question. Oskur Bad Wasa'il et Shaitan, les Terkik, Zalika et Hadaf. Donc il dit, cite certains procédés employés par Shaitan dans la réalisation de ce but. Comment est-ce qu'il s'y prend? Donc là, il va citer quelques exemples. Parmi ces procédés, awalan al-shirk wal kufr, qui t'amène à m'y croire et à associer à Allah Azza wa Jal. Wa dalil qawlu ta'ala, kama sali shaytan isqala lil insan ukfur, falamma kafara qala inni bari'un mink, inni akhafu Allah rabbil alamin. Comme l'exemple de shaytan qui dit à la personne, m'y crois. Et lorsqu'il a mécru, il lui dit, je suis innocent de toi, certes j'ai peur d'Allah, Seigneur des mondes. Et d'autres versets. Et il ne t'appellera jamais au kufr directement, il va t'emmener par étapes. Au fur et à mesure, si jamais tu es un croyant, il ne va pas te dire du jour au lendemain, mais crois, comme cela. Il va t'amener à faire des désobéissances, une après l'autre, te faire désespérer, car Allah te pardonne, pour après te faire tout abandonner et devenir mécréant. Et cela par différents moyens. Donc attention à ces ruses. Et en réalité, ces ruses, comme Allah Ta'ala, inna kayda shaitan kana da'ifa, que sa ruse est vraiment faible, pour celui qui est muwaffaq. Il le voit venir. Parmi ses procédés également, iqa'uhum fi dhunub wal bid'ah, te faire tomber dans les péchés et les innovations. Wa dalil qawlu ta'ala inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahsha wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Il ne fait que vous ordonner du mal, de faire du mal et des turpitudes et de vous faire dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Al-Baqara, la page verset 169. Et de là ça a été dit que Shaytan préfère l'innovation au péché. Car celui qui fait un péché, c'est qu'il fait un mal, donc est plus à même de se repentir. Tandis que celui qui fait une innovation pense qu'il fait un bien, une adoration, par laquelle il est récompensé, il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc Shaitan, il en rigole de cela. Il préfère cela. Il préfère un mubtadir qu'un fa'asiq. Il préfère un mubtadir qu'un fa'asiq. Et la bid'a est une passerelle qui mène vers le kufr par la suite. Wal'iyaz billah. Ainsi que l'accumulation des péchés au fur et à mesure. ثم قال صدهم عن الطاعه qu'il les empêche d'obéir ou d'accomplir l'adoration. والدليل قوله تعالى لا يقودن لهم صراطك المستقيم, je vais certes leur obstruer ton chemin droit. الاعراف verset 16, qui fera tout pour t'empêcher de faire du bien. غرس العداوه بينهم, qui va jeter l'animosité entre les gens, entre les hommes. والدليل قوله تعالى انما يريد الشيطان ان يقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر, que Shaitan veut seulement faire tomber entre vous, mettre entre vous l'animosité ainsi que la haine, et cela par le biais de l'alcool et des jeux de hasard. Al-Maïda verset 91. Donc tu le vois toutes ces choses là on le voit quand moi je me rappelle quand j'étais chez les koufars, tout ce qui est moquerie, tout ce qui est vanne, tout ce qui est rabaissement, toutes ces choses là n'amènent qu'à quoi? Le défi. Quand les koufars essaient de, par exemple, de prendre tes biens, même des fois ton propre ami te soutient des biens en cachette, ou si jamais tu as une femme, il veut la détourner vers lui, ou tout cela, Shaitan amène à la division entre nous. Il amène à la division entre nous. Et ça, c'est fréquent. Les guerres que l'on voit, les conflits que l'on voit lorsque l'on entend, par exemple, chez les jeunes, telle cité contre telle cité, tout cela, ça, c'est le tahrij de Shaitan entre eux. Pour l'histoire de drogue, pour l'histoire d'argent, pour l'histoire de femme, pour l'histoire de regard. Pour l'histoire, un qui avait bu, qui n'a pas aimé une parole, un qui avait fumé, qui n'a pas aimé certaines choses, ainsi de suite. Ça part des fois d'un rien pour arriver à une chose immense. Un petit rien qui pourrait être réglé vite fait, Shaitan le fait grossir. Comme une étincelle, il en fait un feu de forêt, comme on dit. Wal'iyaz billah. ثم قال الوسوسة لإفساد الطاعة كوسوسته في الصلاة. Les insufflations qu'il fait pour justement pour corrompre l'acte d'adoration comme il le ferait par exemple dans la salat. T'emmener à faire des choses et à réfléchir à des choses, penser à des choses pour que ta salat, tu en perdes sa récompense, voire même qu'elle soit complètement invalide du fait qu'il n'y a pas eu de khushu' dans la salat. Ou le hadith, ou le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, un des rassoulants de l'Allah, ils aient nous dit à les salat, adbara shaitan ou laou darat. Comme on l'a dit auparavant, lorsque la salat est appelée, il y a l'azan, shaitan se sauve en lâchant des paix pour ne pas entendre justement cet appel. Et dans la fin du hadith, il revient vers l'homme qui fait la salat, quand elle est hatta yakhtira bayna al-mar'i wa nafsihi. À tel point qu'il vient et fait rempart entre l'homme et sa salat. Quand il yakul lahu uskur kaza, uskur kaza, malam yakul naskur. Il lui dit rappelle-toi de ceci, rappelle-toi de cela, des choses qu'il ne pensait même pas pendant la salat. Et le hadith mutafakun alayhi, ça, c'est une chose qu'on constate également. Combien de fois on regarde la salat, on pense à rien. Dans la salat, on pense à des choses tellement loin qu'ils n'ont aucun rapport. C'est Shaitan qui vient pour nous faire perdre du khushu' dans la salat. Qala musharakatuhum fi ta'amihim wa sharabihim wa awladihim wa masakinihim idh lam yadhkur ismullah aw illam yadhkur ismullah. Il dit également qu'ils s'associent à eux dans leur nourriture, c'est-à-dire aux humains, et dans leur boisson, de leurs enfants, et dans leur logis, s'ils ne nomment pas Allah. Car avant d'avoir des rapports, on a un doigt à faire, pour ne pas que Shaitan ne vienne avoir, ne puisse avoir d'emprise quelconque par la suite sur l'enfant. Et lorsqu'on boit, et lorsqu'on mange, et même lorsqu'on s'habille. Donc Allah Ta'ala, وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجَلِكْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Il a dit, excite-les comme tu le peux par ta voix et envoie sur eux ta cavalerie et ton infanterie et associe-toi à eux dans leurs biens ainsi que dans leurs enfants et fais-leur des promesses. Et que Shaitan ne promet que des illusions. Al-Isra, voyage nocturne, verset 64. كذلك قال يعانته بعض الفواسق كالفأرة على إحراق المنازل. Également, il aide certaines créatures, comme les animaux jugés de pervers, comme le rat, mathalen, la souris, pour faire brûler les maisons. Comme dans le hadith de Ibn Abbas, que le prophète sallam il a dit que si jamais on dort, ils enimtum fa'atfiu shulujakum, qu'on doit éteindre les lanternes. فإن الشيطان يدل مثل هذا على هذا فيحرقكم. Car Shaitan après vient montrer où se trouve le feu à ce rat qui par la suite cause un incendie dans la maison et vous brûle. Et le hadith rapporté par Abu Daoud. Et le rat est appelé Fouaïsira. Il vient dans la maison, il ne fait que du façade, vous l'avez vu. Il ne fait que du façade. Donc toutes les choses qui sont allumées dans la maison qui ont un feu, il faut les éteindre avant de dormir. Qala tahabbutuhu lil-insan 'inda al-maut, qui vient pour mettre l'homme dans la confusion lors de la mort, pour ne pas qu'il fasse la shahada. C'est-à-dire jusqu'au dernier instant, Shaitan ne te lâche pas. Jusqu'au dernier souffle, il va venir pour tenter de te détourner autant que possible. Wa dalil hadith an Nabi al-Yasar, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kana yad'u wa yaqul. Un doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait auparavant. Il disait « Allahumma inni a'udhu bika min al-haram ». Il dit « Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi contre la vieillesse ». C'est-à-dire le fait de devenir sénile, je ne sais plus ce qui t'arrive. « Wa taraddi », le fait de tomber, de chuter de haut. « Wa al-hadam », le fait d'être enseveli par une chose, par exemple une maison qui s'écroule sur toi, ou un glissement de terrain ou autre, des choses qui t'ensevelissent. « Wa al-gham », les afflictions, la peine, les soucis. « Wa al-hadiq », le fait de mourir brûlé, ou al-haraq, le fait de mourir noyé. Wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'an al-maut, je cherche refuge auprès de toi que Shaitan ne vienne me corrompre au moment de la mort. Wa an uqtal fi sabilik mudbira, ou que je meure sur ton sentier en fuyant, en battant retraite comme on le dit. Wa a'udhu bika an amuta, leur dire je cherche refuge auprès de toi de mourir par la cause d'une morsure venimeuse. Raou an-Nasa'i. Donc parmi eux le shahid qui a demandé refuge auprès d'Allah de ne pas se laisser corrompre par Shaitan au moment de la mort. Et ça, ce qu'on a qui est la shahada, c'est parmi les signes de la bonne fin que l'homme fasse la shahada avant de mourir. Et parmi les choses qu'il y a, quand le Nabi sallam, laqinu amwatakum, la ilaha illallah. Que quand lorsque quelqu'un on sait qu'il est mourant, on vient le voir, on lui rend visite et on l'incite à faire la shahada. À faire la shahada. De dire la ilaha illallah. Et pour finir, qala al-mas was-sara, yani le terrassement qui te rend, il te fait avoir des crises, qui ressemble à ce qu'on appelle les crises d'épilepsie. والدليل قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Que ceux qui consomment l'usure, le riba, ne se lèvent que comme se lève celui qui était touché par Shaitan. Al-Baqara, verset 275. Donc des fois on voit des gens qui ont des crises, tu les vois par terre, ils tremblent, ils s'avalent la langue. Ça c'est un mess de Shaitan. Et certains disent que ça peut être une crise d'épilepsie. Certains disent que c'est le tout va ensemble. C'est une seule même chose. Wallahu ta'ala alam. Donc souvent dans ces moments-là, faire ruqya à la personne. Kazalik. D'accord ? Et ça, c'est très fréquent. Et beaucoup de gens sont atteints de ça, de ce masque. Tu les vois, en pleine salade, ils tombent, et ils poussent des cris, et ils ont des spasmes, comme on dit. Ils sont comme des fous. Ça, c'est un quoi ? Un masque de shaitan. Et c'est très difficile à surmonter, mais c'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Non, moi, ça a été là aujourd'hui. Et par la suite, dans le prochain audio, il citera certaines causes, justement, pour se protéger de lui. وبيذكر نكتفي والحمد لله رب العالمين